Radio Boncon. En ces temps difficiles, le Boncon a besoin de s'exprimer. C'est pourquoi Radio Boncon présente La Bonne Chronique. La Bonne Chronique. Un espace d'expression pour le Boncon qui le souhaite. La Bonne Chronique. Salut, je suis Kenza. C'est Aurélie la Cuisaison. Je suis François. Je suis Chloé. Je suis Mona. Salut, c'est Tata Lolo. Oui, la Bonne Chronique. C'est Orion. C'est toujours la déglingue. La Bonne Chronique. Ici Hubert-Félix Typhon, vous écoutez Radio Boncon. C'est à moi. Je suis ma reine, la Bonne Fée. Bonsoir à tous, chers Boncons, chers Bonconnes et chers amis auditeurices. Bienvenue à tous dans la chronique cinéma d'Hubert-Félix Typhon. Alors, comme vous le savez, l'industrie cinématographique a été mise en pause. Il n'y a plus de nouveaux films en salle le mercredi, mais ce n'est pas une raison pour déclarer que Netflix is the new MK2. Même si, on le sait tous, RuPaul, c'est super. L'occasion rêvait donc de mettre un coup de projecteur sur perles, merveilles et étrangetés de notre bon 7e art, des grands classiques oubliés à tous vos films préférés. Aujourd'hui, jeudi 19 mars, je vous propose une liste de films à regarder pendant votre confinement, seul ou accompagné, autrement dit, à un seul con ou à plusieurs cons, tout dépend de la manière dont vous êtes confiné. À noter que si vous faites une connerie, la phrase « j'ai un alibi, j'étais au cinéma » ne marche plus du tout. N'hésitez pas également à partager vous aussi votre panthéon cinématographique spécial confinement, afin d'en faire profiter notre communauté cinéphile. Collins. Alors commençons. En numéro 1, je vous propose l'un de mes films préférés de tous les temps, « In the Mood for Love ». Il a été réalisé en 2000 par le cinéaste hongkongais Wong Kar-wai et il raconte l'histoire de sentiments confus entre deux êtres mariés, Monsieur Cho et Madame Chan, voisins et eux-mêmes victimes d'un adultère. On applaudira la bande originale entêtante ainsi que la mise en scène incroyable qui a par ailleurs inspiré notre bon vieil ami Xavier Dolan pour ses ralentis dans Les Amours Imaginaires. En voici un extrait. En numéro 2, quelque chose de plus léger mais non pas moins intelligent, Problemos, par et avec Éric Judor, une comédie française qui sonne d'autant plus juste en ces temps chamboulés. En effet, le film raconte l'histoire d'une famille retenue prisonnière dans une ZAD où l'organisation collective et la vie en communauté sont de mise et où les habitants deviennent les seuls survivants d'une pandémie. Visionnaire Éric ? J'en profite pour saluer tous les Éric de la Terre, à commencer par le barman préféré des Parisiens, qui doit en ce moment même être confiné au Rosmarino, pensée émue pour tous les copains de Paris et spéciale dédicace à Claire Marchal, pour qui Problemo c'est le film favori. En attendant, vous avez le droit d'apprendre par cœur la chanson « J'aime mes règles ». Ouais, je vous propose qu'on chante. J'aime mes règles, elles me connectent avec la lune. J'aime mes règles, quand elles sont brunes, je les assume. Moi, j'ai un vrai problème que je voulais partager avec vous. Depuis 2 mois, je pue de la chatte, c'est épouvantable. T'as essayé l'hibiscus en cataplasme? Non. Essaye. Ok. Tu peux même le laisser infuser la nuit en bouquet à l'intérieur sans problème. Merci. Une toute dernière suggestion en film de confinement qui, à l'instar de Gilbert Montagné, apportera un peu de chaleur à mettre dans vos cœurs. J'ai nommé Les Délices de Tokyo, un film japonais de Naomi Kawase, sorti en 2015. Ça raconte l'histoire de Sentaro, un pâtissier qui fabrique des dorayaki, et d'une vieille dame attachante de 70 ans, répondant au nom de Tokue. C'est Ces deux protagonistes vont faire équipe pour vendre leur pâtisserie fourrée aux haricots rouges confits. C'est beau, c'est touchant, c'est émouvant et ça donne faim. Et surtout, ça nous rappelle que les anciens sont des gens importants. On embrasse de loin tous les grands-parents du monde pour qui ce n'est pas forcément évident en ce moment. Prenez soin de vous. Et j'en profite pour vous conseiller toute la filmographie de Naomi Kawase, une réalisatrice assez incroyable, dont les films ont quasiment été tous sélectionnés à Cannes et sont des petites pépites. Et puis, comme nous sommes sur Radio Boncon, je vous propose un petit jeu concours. Il va falloir me citer un film contenant la syllabe « con ». Attention, pas droit au dîner de con, trop facile, ni à contagion, trop Covid. Vous pouvez répondre directement sur le post Facebook ou sur notre page Instagram ou bien sur le chat Discord de la Radio des Boncons. Les trois premiers à répondre recevront un selfie de moi-même ainsi qu'une lettre d'amour dactylographiée. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour une autre chronique cinéma. En attendant, prenez soin de vous, désinfectez-vous bien les mains avec du gel hydroalcoolique, ne devenez pas alcoolique, moi c'est trop tard, et restez branchés sur Radio Boncon, la radio des Boncons. Gros bisous. Radio Boncon. La bonne chronique. Salut, je suis Kenza. C'est Aurélie la queue saison. Je suis François. Je suis Chloé. Je suis Mona. Salut, c'est Tata Lolo. La bonne conne. C'est Salut. Orion. C'est Joe la déglingue. La bonne conne. La bonne chronique.